Peut-être son corps qui danse à la surface de ta nuit, ou l'odeur de son absence dans les draps silencieux du lit. Les murs se sont serrés en silence, dans la cuisine le papier a jauni, les poids oubliés dans la balance attendent leur contrepartie. Il y aura longtemps ça dans ta tête, maintenant qu'elle est partie. Il y aura longtemps ça dans ta tête, dans les pans égoïstes de ta vie. Et maintenant tu fais quoi dans ta tête, maintenant qu'elle est partie? Il y aura longtemps ça dans ta tête. Il y aura longtemps encore la femme qui danse, flamme blonde dans ton esprit, dans des parfums de robes longues, quand son ventre te rendait impie. Les ampoules du dehors soufflent sur la ville, leurs ballons de sodium robe gris. C'est l'encre de la peine qui coule dans tes veines. Il y aura longtemps ça dans ta tête. Peut-être son corps qui danse à la surface de ta nuit. Un enfant né, on se rend compte instantanément qu'il est parti de nous-mêmes pour toujours, comme une bosse.